On a parlé à plusieurs personnes sur le décès de Mike Bossy. On a parlé avec Michel Goulet, Michel Bergeron, Gilbert Perreault, Yvon Lambert, Marc Fortier, Stéphane Lebeau. Et là maintenant, ben, c'est notre collaborateur régulier, Roger Bullock. Roger qui a très très bien connu Mike Bossy, puisque les deux travaillent à TVA Sport. Également, Roger a une page de potin dans le Journal de Montréal qui n'est pas disponible ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais que Roger intervient avec beaucoup de monde. Donc là maintenant, on va parler de Mike Bossy aujourd'hui. C'est la journée de Mike Bossy avec Roger Bullock. Salut Roger. Écoute-moi bien, c'est une journée triste. Ouais. Quand je pense à Mike Bossy, tu sais, dans la vie, c'est un trésor, la vie. C'est un trésor. Et là, la famille à Mike, son épouse, ainsi que ses enfants viennent de perdre leur trésor. Ouais. C'est malheureux de dire ça. Depuis le mois d'octobre, on sait qu'il est malade. Et rendu l'âme cette nuit. Mais Mike Bossy et moi, on remonte depuis qu'il avait l'âge de 12 ans. Ça donne-tu une idée? Ouais. Il jouait au hockey Pee-wee à Saint-Alphonse. OK. Et j'allais le voir jouer. Son talent était incroyable à cette époque-là. Le dimanche après-midi, d'ailleurs, il y avait du hockey à CTV. Dick Irvin décrivait les matchs en direct de Ville-Mont-Royal. Puis il nous parlait d'un certain Mike Bossy. Puis il disait, je le compare à un Rocket Richard. Enfin, il avait 12 ans. Et Maurice Richard, à cette époque-là, il y avait une chronique dans le journal le dimanche matin. Et lui, il louangeait les talents de Bossy, puis pendant des années jusqu'à la fin de sa carrière junior, on disait toujours, le Canadien ne peut pas se permettre de perdre un joueur comme Mike Bossy. Et on avait préféré Mark Napier. Et ça, c'est Michel Bergeron qui me l'a rappelé. Écoute bien, c'est pas on, c'est le prof Caron. Okay. C'est ça. C'est pas la même chose. Ouais. C'est le prof Caron qui a préféré. Et quand tu regardes ça, ça n'a pas de bon sens. Mais non, On disait toujours, le prof Caron disait, il n'est pas bon, ça arrête à Sherbrooke. C'est parce qu'il scorait à Sherbrooke, il scorait partout. C'est épouvantable, épouvantable. Mais moi, je vais t'expliquer Mike Bossy, l'homme que j'ai eu la chance de connaître hors de la patinoire. Et je m'explique pourquoi. On était voisins en Floride. Alors, quand j'allais l'hiver ou l'été, on était voisins. Ensuite de ça, on parlait de baseball, on parlait de tous les sports, puisqu'on parlait des athlètes. Comment étaient les athlètes dans un sport? Comment les athlètes dans un autre sport? Les gens de New York, c'était quoi jouer à New York? Tout ça. Mais à un moment donné, on est revenu sur ce qui est cité aujourd'hui, quand il a marqué son 50e but, suivi d'un filet désert, au lieu de marquer, il a fait la passe à Brian Tortier. Okay? Ouais. Et dans tout ça, il a dit après le match, j'ai fait la passe à Brian, parce que Brian m'a aidé tout le long de ma carrière, je trouvais que ça lui a marqué. Mais quelques années plus tard, j'avais dit, Mike, explique-moi ton raisonnement. Carrière est finie, là. Pourquoi tu as fait une passe? Il disait, je ne peux pas battre le record de Rocket Richard dans un filet désert. Ouais. Il y en a qui 51, l'auraient probablement. 50. Il y en a qui s'en auraient fouté de ça, je pense bien. Lui, non. Lui, Hein? non. Ouais. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué énormément. C'est là que j'ai compris c'était qui, l'homme. J'ai compris c'était qui, quand il m'avait dit ça. Ben moi, Roger, tu sais, j'en ai quand même interviewé beaucoup des vedettes, là. Puis moi, une qualité que j'aime de vedette, puis c'est une qualité que j'aime beaucoup de toi, Roger, en passant, c'est l'humilité. Tu sais, vous êtes connu, vous êtes des vedettes au travers du Québec, mais Roger Bullock, j'y parle comme je parle à mon chum, là. Et moi, ce qu'on dit de Mike Bossy, là, c'est que c'était un gars très humble. Je l'ai jamais eu en entrevue, j'en ai eu beaucoup des vedettes, là. Mais lui, je ne l'ai jamais eu en entrevue, là. Donc, mais ce qu'on dit, Michel Bergeron me l'a confirmé. Plusieurs me Écoute l'ont. bien, Ouais. j'allais voir Mike, OK? Ouais. Comme je dis, depuis l'âge de 12 ans. Et que je le rencontrais n'importe où, on prenait tout le temps de jaser. On jasait parce que son oncle avait été entraîneur du Canadien junior avec Pierre Bouchard qui jouait là à l'époque. Il a été remplacé par Claude Ruel. Et dans le cas de Bossy, tu n'avais pas juste le sport, tu peux discuter de n'importe quoi. Tu peux discuter d'affaires, discuter de marketing. Et à l'occasion, on parlait de hockey. Son regret qu'il a eu, par contre, c'est sans aucun doute que le Canadien n'a jamais engagé comme entraîneur adjoint. Ça, Et c'est un fait puis pour moi. il Il y en a... aurait pu être utile sur l'avantage numérique, quelque chose de même, quoi. c'est parce que quand je parlais avec Mike Bossy de hockey, où je regardais un match avec lui, il me disait toujours, tu vois, c'est ce qu'il vient de lancer, il ne marquera jamais dedans. Puis quand Galchenyuk faisait des lancers, je dis, il va marquer dedans. Il dit, jamais. À la fin de l'année, j'ai dit, c'est quoi, il n'a jamais marqué dedans. Mais oui, Roger, tu ne marques pas dedans. Tu sais, c'est comme un entraîneur des frappeurs, il ne t'enseigne pas comment frapper, il t'enseigne comment t'ajuster à la situation. Et c'est ça que Mike Bossy aurait aimé faire. Mais c'est un homme, écoute bien, là, humble. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, là, ces 9 saisons là, d'affilée? Personne qui a fait ça et personne ne va le faire. Ouais. Oubliez ça. Ouais. Faut que tu commences la première saison avec 50 buts. Puis je pense qu'il a fait 9 d'affilée. Roger, j'écoute des entrevues depuis ce matin, là, puis lui, il l'avait dit dès le départ, hein, sa première saison, ouais, qu'il allait marquer 50 buts. Je me trompe pas, c'est-tu ça? Son agent était Pierre Lacroix, OK? OK. Et Pierre, bon, t'as bien aimé. Je me souviens encore des négociations. Pierre nous a compté ça après pour Pierre. Il a redit, il dit, écoute bien, là. Il m'a marqué au moins 50 buts, puis fais-moi des bonus. Fait que les autres, ils ont mis des bonus. Il a fait plus en bonus qu'il a fait en salaire. Mm. C'est incroyable. Mais, tu sais, puis il voulait jouer dans la Ligue nationale. Mm. Parce que les Nordiques ont fait une offre supérieure. Il voulait jouer dans la Ligue nationale. C'est là qu'il voulait jouer. Et je regarde Ray Lalonde, il a mis une statistique très, très importante pour moi. Pour moi, le meilleur joueur d'histoire que j'ai vu, c'est Mario Lemieux, même avant Gretzky. Mais Mike Bossy, un ratio de points par match plus gros que Mario Lemieux encore. Mais cette statistique-là, ça fait un bout de temps qu'elle roule un peu partout. Ouais. Il a ramassé ça quelque part, Ray. Ouais. Mais quand tu regardes, là, c'est lui qui a le temps qu'il a joué. Ouais. Il a le meilleur pourcentage de réussite de but. Le meilleur. En avant de Gretzky, en avant de Lemieux, le meilleur ratio pendant la période de temps qu'il a joué. Écoute bien, il a pris sa retraite parce qu'il a marqué juste 38 buts. Puis c'est Maudo. Il y avait 553 buts. Mais il aurait pu continuer pareil à marquer 25-30, mais ça ne tentait plus. Parce que lui, le mal de dos l'empêchait d'exceller. Et c'est ça qu'il ne voulait pas faire. Ouais. Il voulait pas faire ça. Il voulait qu'on lui garde un bon souvenir que du marqueur qui était. Que trop d'athlètes professionnels, d'ailleurs, ne savent pas se retirer à temps. Oui, mais aujourd'hui, tu ne peux plus te retirer à temps. Il y a trop d'argent. Ouais. Tu sais, tu prends le Pujols, là, il est payé presque 2 millions par année. Tu sais, 2 millions, c'est de l'argent. Là. C'est pas beaucoup à ce qu'il faisait auparavant, mais le 2 millions qu'il va chercher de plus, il joue à l'occasion, ça donne 2 millions. C'est là qu'est la grande différence. Ouais. C'est que l'argent que tu fais en fin de carrière t'empêche de prendre ta retraite. Roger, c'est la journée Mike Bossy. On va amplement peut-être parler de baseball. Là. Non, je ne veux pas parler de baseball. Okay. Je parle des joueurs qui continuent à jouer okay. à cause des salaires. Ouais. T'as pas le choix. Ouais. Mais Roger, Mike Bossy, l'héritage qu'il va laisser au Québec. Qu'est-ce qu'on va se rappeler de lui, après toi? Comment je pourrais dire ça? La patinoire, un grand marqueur. Ouais. L'humilité fait partie de sa vie. C'est un gars travaillant puis un gagnant. Et ouais. Ça, tu ne peux pas y empêcher ça. Et si tu regardes Mike Bossy, c'est pas compliqué. Il marquait des buts. C'était plus important pour lui que son équipe gagne que lui marque des buts. Mais pas que son équipe gagne, il faudrait qu'il marque des buts. Et quelle équipe avec quelle équipe avec les Islanders de New York, Roger? Hein? C'était. le contraire du Canadien. En ce sens, eux autres, il n'y avait pas de défensive. Comparé aux Canadiens qui avaient défensive et offensive. Mais leur meilleur joueur marquait des buts et Smith dans le filet faisait le travail. Avec Potvin et Morrow à défense. Potvin, Morrow. Tu avais un trio avec Clark Gillies qui est décédé il y a quelques mois déjà. Ouais, les deux, ouais, là, mais. Dernièrement, Brian Trottier est allé voir Mike avant qu'il parle. Ouais. C'est assez spécial, là. Ouais. Jean Potvin, qui est un défenseur, qui est le frère de Denis, qui a connu une carrière respectable. C'est un bon cinquième défenseur. Lui est né au Québec. Ouais. Son frère est né en Ontario. Jean est né au Québec, c'est un gars de. Ouais. OK. Ah, lui, c'est un Québécois, l'autre, c'est un Ontarien. Mais pour dire, hein, juste au bord du pont. Ouais, effectivement. Roger, mes sympathies, je pense que toute l'équipe de TVA Sport est un peu sonnée. Je sais que vous êtes en émission spéciale depuis ce matin, donc mes sympathies, pareil, vous l'avez connu, vous l'avez très bien connu, Mike Bossy. Et la semaine prochaine, on va revenir dans une condition, en espérant, beaucoup plus joyeuse. On va se parler du début de saison des Blue Jays et du Canadien. Merci beaucoup. Voilà, c'est Roger Bullock qui nous parlait du décès de Mike Bossy.